Chapitre 14e. Lucienne Sublet. Finalement, Dutilleul s'était déplacé à Montreuil. Le trajet avait été pénible car un torticolis s'était déclenché à mi-parcours. Heureusement, il avait trouvé un reste d'analgésique périmé dans la boîte à gants, ce qui voulait dire qu'à plus ou moins long terme, il devrait rendre visite au docteur Michonnier, qui ne manquerait pas de lui faire la morale. En fait, la douleur était si intense qu'il avait été tenté de reporter l'audition de Lucienne Sublet. Mais celle-ci lui avait paru si hésitante à le recevoir qu'il avait préféré maintenir le rendez-vous. Il avait eu beau prendre ses précautions, Paris était bien embouteillé, et il lui fallait prendre son mal en patience. Pour garder contenance et surtout faire abstraction des klaxons qui ne cessaient de retentir, il repensa à sa soirée avec Mado. Il était arrivé tard, assez tendu, mais cela n'avait pas gêné Mado qui venait de finir sa journée. Elle sortait de sa douche et sentait bon l'huile de cyprès. Ce qu'il aimait, c'est qu'il n'abusait pas du parfum. Sans rien dire, elle l'avait déshabillé et il s'était retrouvé tout nu dans la salle de bain. Elle l'avait lentement savonné, lui avait lavé les cheveux en lui massant doucement le crâne. Les mouvements étaient délicieusement lents. Il lui avait dit un jour qu'elle aurait fait une masseuse hors pair. Elle avait ri. Elle avait effectivement suivi une formation en ce sens. Ensuite, elle s'était attardée sur sa nuque nouée, puis sur ses épaules. Elle l'avait emmitouflé dans un peignoir un peu trop grand. À ce moment seulement, il avait réalisé combien il était banné. « Tu diras à Henri que je vais finir par porter plainte. » Dutilleul savait fort bien que ce n'était qu'une demi-plaisanterie. Elle avait l'habitude de le ramasser à la petite cuillère. Mais Dutilleul savait que ce n'était vraiment pas ce qu'elle préférait. « Viens t'allonger, je parie que tu n'as pas mangé. Laisse tomber, veux-tu ? Non, tu vas voir, j'ai des lasagnes et de la salade. Tu ne vas pas me servir au lit comme un nabab. Pourquoi non ? Parce que le mouvement de libération de la femme est passé par là, et qu'en cas de séparation douloureuse, tu me permettras de prendre quelques précautions. Tu pourras toujours dire que je t'ai ligoté sur un lit. Au fait, on n'a jamais essayé, ça pourrait être marrant. » Mado. Comme à son habitude, Mado détourna soudain la conversation. « Comment va Henri ?»« Pas mal. »« Pas mal, ça veut dire quoi ?» en langage tilleul. « Qu'il pourrait aller mieux. Je crains qu'il n'ait repris trop tôt, il est marqué. »« Sans vouloir te manquer de respect, tilleul, c'est ce qui arrive quand tu te prends plusieurs pruneaux dans le buffet. Laisse-lui juste un peu de temps. »« N'empêche, je pense que le blindage est atteint et qu'il va falloir jouer sur du velours. » Pourquoi ne pas rappeler Bellegarde ? Je suis sûr qu'il t'en sera reconnaissant. C'est drôle, je ne l'imagine pas en vacances. Moi non plus, mais si je lui demande de revenir, Madeleine risque de m'éborgner. Elle, elle te vénère, au contraire de moi. Quoi ? Quoi ? Puis-je au moins savoir quel culte païen m'a supplanté ? La joute verbale était lancée. Et comme souvent, c'était lancé sous les draps. Avec Mado, Dutilleul retrouvait une énergie positive si essentielle à son existence. Un dernier feu rouge et Dutilleul aperçut la résidence sans âme dans laquelle vivait Lucienne Sublet. Heureusement, il était à l'heure. La résidence était composée de 4 bâtiments de facture années 60 que Dutilleul connaissait vaguement. Malgré un ravalement récent et des parterres plutôt bien entretenus, Dutilleul n'en trouvait pas moins l'ensemble assez glauque. Lucienne Sublet habitait le bâtiment C, 3e étage, la porte au fond du couloir. Il se présenta à l'interphone et une voix lointaine lui ouvrit. Il n'aima pas davantage les fausses plantes en plastique semées ça et là dans l'entrée. Les dalles de carrelage impeccablement briquées accusaient leur âge. Certaines comportaient des éclats, victimes collatérales de déménagements successifs. Les gens ne devaient pas s'éterniser ici. Dutilleul prit l'ascenseur, récemment remis à neuf, et arriva sans encombre à l'appartement de Lucienne Sublet, non sans noter toutefois que la moquette du couloir était tachée. Il sonna à la porte et, quand celle-ci s'ouvrit, il fut accueilli par une jolie tête triangulaire. « Doucette, reviens !» appela une voix douce. « Ne compte pas trop sur moi pour te courir après. » Heureusement, Dutilleul eut le réflexe d'attraper le chat, qui, apparemment satisfait de son sort, se blottit contre sa poitrine. « Doucette, vraiment tu exagères. Pardonnez-lui, monsieur le commissaire. »« Ah oui, c'est cela. c'est le chat de ma petite fille, dit-elle comme pour s'excuser. Je le garde pour quelques jours. Elle est un peu fofolle, mais elle n'est pas méchante. Surtout, ne lui laissez pas faire ses griffes. Ne vous inquiétez pas. C'est très gentil à vous de me recevoir si rapidement. C'est que je ne comprends pas très bien l'objet de votre visite. J'ai déjà tout dit à votre collègue. J'ai pensé que c'était fini. En fait, je reprends l'enquête. C'est pourquoi j'ai besoin de vous voir. Immédiatement, Lucienne Sublet fut sur la défensive. Enfin, votre collègue ne vous a pas laissé de notes. Vous savez, tout cela est si pénible. La trouver comme ça, couverte de sang, à moitié sec, les yeux désespérément ouverts. Une jeune fille si gentille, pas embêtante, toujours le mot aimable. Elle salissait bien un peu, mais franchement, il y a pire. Si nous allions nous asseoir. Pardonnez-moi, j'ai vraiment la tête à l'envers depuis cette histoire. Vous pouvez poser Doucette, si vous le voulez, avec votre beau costume. Non, cela va aller. Il semble que nous nous entendons bien, tous les deux. Oui, c'est curieux. Habituellement, elle n'aime pas les étrangers. Pardon, je ne voulais pas me montrer indélicate. Oh, je ne vous en veux pas. Je suis effectivement un étranger qui vient quémander quelques informations. Je vois que cette affaire vous a profondément remué. Lucienne Sublet se mit à pleurer doucement. Ça oui, alors. Restez là. Je vais vous chercher un verre d'eau. J'imagine que la cuisine est juste à côté. Oui, sur votre droite, mais ce n'est rien. Doucette protesta un peu quand Dutilleul se leva, mais elle ne s'enfuit pas pour autant. Dutilleul s'était visiblement fait une alliée dans la place, ce qui était toujours précieux. Il gagna la cuisine attenante, tout en longueur, et prit un verre sur l'évier. La vaisselle venait d'être faite. Il le remplit d'eau bien fraîche et revint dans le salon. Lucienne Sublet essayait vaillamment de retrouver une contenance, mais les yeux étaient rouges. « Buvez, » dit-il simplement, « jusqu'au bout. Pouvons-nous reprendre ?»« Vous aimiez bien Marion Chardy, n'est-ce pas ?»« Oh oui, je la classais parmi les gentils. En plus, j'étais toujours payé en temps et en heure, ce qui, croyez-moi, se fait de plus en plus rare. »« Combien de temps avez-vous travaillé pour elle ?»« En fait, c'était un peu plus compliqué. Elle n'était pas à proprement parler mon employeur. C'était Maître Vérel qui s'occupait de me régler. » Un monsieur très bien, d'ailleurs. J'ai commencé à travailler en septembre 2001. J'ai tout de suite vu que Marion était facile. Bien sûr, l'appartement ressemblait parfois à un chantier, mais dans l'ensemble, je n'avais pas à me plaindre. Elle était respectueuse et pas délurée comme certaines filles de ma connaissance. Elle, au moins, ne jouait pas les saintes nitouches. Elle avait reçu une bonne éducation et elle était débrouillarde. Bien sûr, elle n'était pas très douée niveau cuisine. J'ai dû lui enseigner quelques bases. Mais est-ce que l'on pouvait rire? Elle avait beaucoup de mal à utiliser le four. Alors il y a eu quelques accidents. Heureusement qu'il fonctionnait à l'électricité. C'était une fille si simple. Je n'ai pas été longue à m'y attacher. Bien sûr, Maître Vérel m'avait longuement expliqué la situation, alors je me montrais vigilante. Ce n'est pas facile d'être seule, surtout à cet âge-là.